Donc voilà, c'est parti pour l'enregistrement. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, j'ai deux, trois petites choses à te dire comme ça. Je vais prendre un papier parce que je vais trouver. Ah, si, j'ai mon truc. Comme ça, je t'écoute. T'as ton truc. Bon. L'idée, ça serait de créer un lien entre ton site Aria vers le Jardin Merveilleux. Je l'ai fait déjà. Tu l'as fait. Oh, t'es parfait. T'es parfait. Bon, donc ça c'est bien. On pourrait d'ailleurs faire ça en sens inverse. Tout à fait. Bon, d'accord, ok. Le site, il n'est pas encore référencé par Google. J'ai été revoir ça dans les entrailles de Google Analytics. Et puis, on pourrait faire, je te lis mes notes, hein, faire un brainstorming pour construire, oui, pour faire un brainstorming, construire un questionnaire sur Google Forms. Ah, ça c'est intéressant. J'avais, en fait, tu as dû recevoir mon dernier mail concernant le fait que je ne viendrai pas. Et tout à fait, tout à fait. Et par contre, j'ai ouvert justement une... Alors, je n'ai pas appelé ça brainstorming parce que les anglicismes commencent à me sortir par les yeux. D'accord. Par contre, j'ai parlé de brainstorming à mes correspondants étrangers, ça c'est clair, puisque ça, ils comprennent. D'accord, bien sûr. Et pour les autres, j'avais parlé de foire aux idées. Oui, oui, tout à fait. C'est suite à ça que je te fais cette proposition de créer ce questionnaire Google Form. Est-ce que tu sais comment ça se passe, ce genre de choses? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, c'est toi qui vas m'apprendre des choses. Alors, c'est quelque chose d'assez simple. Tu crées un questionnaire qui est en ligne et tu demandes aux gens de mettre leur nom, leur âge, leur profession, ce que tu as envie. Et puis là, tu vas leur poser un certain nombre de questions pour les amener à s'exprimer sur un jardin merveilleux. Alors, les questions, il faut bien les tourner, il faut que tu y réfléchisses un petit peu. Tu peux avoir des questions ouvertes, tu peux avoir des questions fermées, du genre, vous habitez Auray, oui, non, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour un jardin merveilleux, ça, etc., etc. Donc là, ça serait très ouvert. Voilà, donc on peut faire quelque chose comme ça. Ça marche. Je suis d'accord. Bah. Sauf que, en fait, j'ai mis et l'équipe française là-dessus et l'équipe internationale. Parce qu'en fait, il se trouve que notre jardin merveilleux, quand même, tombe vachement bien dans cette période un peu agitée. Oui. Et les Espagnols, les Italiens et tous ceux qui sont maintenant confinés, ils sont tous devant leur ordinateur. Exactement, exactement. Il faisait maintenant qu'il faut en profiter, tout à fait. Alors voilà un petit peu les idées que j'avais notées. Donc tu es d'accord pour que... Bon, alors, le lien, je vais faire un lien de Aria vers le jardin... Non, du jardin merveilleux vers Aria. Où est-ce que je le mets? Oui. Où est-ce que je le mets, ce lien? Je me mets sur le site. Ouais. Je crois qu'il faut le mettre en première page, parce qu'en fait, c'est là que l'un arrive sur la page d'accueil. Alors, attends, j'y vais, moi aussi. J'y vais. Tu as dû, là je viens de terminer une mise à jour de la page merveilleux. Alors j'ai regardé un certain nombre de choses, on va reprendre tout ça, hein. On va reprendre bien sûr tout ça, et avant de te lancer mon invitation, j'ai regardé tout ça et j'ai vu que ça avait aujourd'hui bougé. Aujourd'hui tu es en forme. Ça bouge à la fois sur le site et sur notre jardin à Strasbourg. Ah d'accord, parce que qu'est-ce qui se passe sur le jardin de Strasbourg? Bien que la Maïf auquel on est assuré nous ait dit « Votre jardin, ouais, en fait c'est votre jardin », il est quand même un peu loin. Voilà. Alors on ne peut pas sortir actuellement en prétextant, si on rencontre la police, dire « Je vais juste à mon jardin ». en allant à Auray. Ouais. Ah oui, tout à fait, ouais, d'accord. Alors que le nôtre, il est à 500 mètres, donc... voilà, là, tu peux t'y rendre. Et du coup, je fais sur place, en fait, des essais, des expériences pour voir qui me permettent d'imaginer, en fait, ce qu'on va pouvoir déjà commencer à mettre en place sur ce jardin à Auray. Ah ouais, tu peux en parler de ça ? Pouvoir en parler, ben, je sais pas, pour l'instant je m'essaye sur la mise en forme des arbres fruitiers, sur les plantations, sur la, comment dire ça, le design de l'espace, voilà, un peu. Ouais. Tu fais parler les arbres alors. C'est ça, les arbres. Tu fais écrire les arbres. Non mais c'est bien, c'est vachement bien, ça c'est des bonnes idées. C'est le côté un peu terrestre, voilà. On va commencer. L'objectif, c'est bien ce que j'avais mis au départ. Attends, est-ce que j'ai mis là ? Quand j'ai mis, nous commençons déjà par présenter le meilleur de ce que nous avons appris de la vie, de notre expérience et de nos compétences. Non pas pour nous mettre en valeur, mais pour l'offrir à la transcendance des valeurs originelles, donc de amour et foi. Mais on commence déjà par donner le meilleur. Mais d'où tu sors ce que tu viens de lire là à l'instant ? La page accueil. Que tu as déjà lu, puisque tu as fait un commentaire juste après. Ouais, alors nous commençons déjà par présenter. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, eh bien écoute, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Oui, alors le lien avec Aria, où est-ce qu'on peut le mettre ? Bon, en fin de compte, ce qui serait bien, puisqu'on est, faut le mettre effectivement sur la page d'accueil, c'est que quelque part, tu fasses un clin d'œil à Aria, dans ton texte, prenez un morceau de notre monde, etc., etc., tu fais un clin d'œil à Aria, et tu mets le lien, là, mais il faut que ça, faut expliquer si tu veux, tu ne peux pas balancer ça, tout du moins pour les gens d'ici. Il faut qu'il y ait quand même quelques phrases pour dire pourquoi il y a ce lien. Oui, c'est ce que je te dis, c'est pour expliquer. Alors que sur Aria, il y a déjà beaucoup d'explications qui renvoient donc à ça. Ouais. Autant là, pour l'instant, en fait, j'en ai pas du tout parlé dans le site du Jardin Merveilleux. Tout à fait. Bon, bah, écoute, tu vas réfléchir à ça. Ouais. Donc le lien, je note que c'est toi qui t'en occupe. D'accord. Puisque nous allons avoir... dans les jours à venir, un questionnaire pour demander aux gens ce qu'ils ont envie de nous dire sur le Jardin Merveilleux. C'est pareil, ça serait bien que tu prévoies dans ta première page quelque chose qui irait tout à fait dans le sens que je te disais. À un moment donné, je te dis, mieux expliquer la démarche avec plus de mots directeurs. Ça, c'est important, hein, ces mots directeurs. Les mettre en caractère gras. Google. En fait, ce dont je me suis aperçu sur Google Site, là, sur cette représentation, c'est que on n'a pas beaucoup de choix au niveau des couleurs, je te rappelle. On fait un petit retour en arrière, si tu veux. On fait un petit retour en arrière. Quand je t'avais proposé de faire un site, je t'avais dit que moi je travaillais sur une autre plateforme qui s'appelait non plus Google Site, que j'avais employé il y a de très longues années, mais qui s'appelait Jimdo. Et si ma mémoire est bonne, tu m'as dit je ne connais pas, etc. Alors Jimdo, effectivement, est quelque chose de... j'allais dire de plus moderne, de plus à la page, de plus avec un peu plus de possibilités que Google Sites. Oui. Jimdo peut être beaucoup moins austère que Google Sites. Oui. Bon. Et puis bon voilà ce que je peux dire sur le sujet. Bon, maintenant on a commencé un jardin merveilleux sur Google Sites. On va s'y employer et à essayer d'arranger les choses. J'ai pas encore, moi, j'ai exploité beaucoup de choses, mais je suis persuadé qu'il y a plein de possibilités que l'on n'a pas encore nous-mêmes exploitées. Il y a encore des choses à découvrir. Voilà. Et même le cas échéant, mais ça j'attends tes desiderata, le cas échéant, on peut aller chercher sur les tutos ce que pourrait faire pour nous Google Sites. Mais par contre, si tu veux, ce qui me paraît important, c'est que maintenant la fonction crée l'organe. Et que, quelque part, eh bien, tu exprimes tes frustrations, tu exprimes, comme tu es en train de le faire là, mais en étant un petit peu plus formel, tu exprimes ce que tu aimerais, vers quoi tu aimerais tendre. Alors après, bon, moi je regarde, hein, je suis un petit peu le technicien de l'affaire, si tu le veux bien. Et je regarde un peu ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, les limites du système, tout en sachant que toutes ces plateformes-là ont toutes leurs limites. Bon, maintenant, est-ce que les nôtres ne seront pas vite atteintes ? J'en sais rien. Il y a un moment où, en fait, lorsqu'on avait créé l'association ARIA, on avait été un peu 2-3 à se former sur Dreamweaver. Ouais. J'avais pas le logiciel, et du coup, en fait, j'ai récupéré celui du lycée quand j'y étais. Par contre, quand j'ai quitté le lycée, je l'ai laissé. Ouais, je l'ai pas craqué et tout ça. Alors, moi, je vais te donner mon sentiment sur Dreamweaver que je connais, que j'ai entreconnu il y a de ça une dizaine d'années, si tu veux. C'est une vieille histoire, ça, hein, Dreamweaver. C'est vieux. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'il soit encore dans les tuyaux avec des possibilités au goût du jour. Dreamweaver, ça a été une des premières opportunités, effectivement, avant même Google Sites, si ma mémoire est bonne. Mais c'est vieux, quoi. C'est vieux. Donc, il nous faut quelque chose d'un petit peu plus moderne. Bon, alors, moi, ce que je te propose, on va continuer avec Google Sites. Je ne remets pas en question le fait ça me va bien de se remettre en question. On continue sur Google Sites, on va voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Et puis, en fonction de nos desiderata, eh ben, on regardera si on peut aller vers une plateforme ou une autre. Ah oui, Jimdo, je t'avais dit, si ma mémoire est bonne, que j'arrêtais de me servir de cette plateforme-là parce que maintenant, elle devenait payante. Ah oui. Tu te souviens que je t'avais dit ça? Que ça devenait payant. Et de ce fait, bon, la version qui n'est pas payante, c'est une version avec trop peu de pages, si tu veux. Avec 4-5 pages, t'as fait le tour du truc, quoi. Et après, il faut que tu payes. Bon, pour l'instant, avant de payer, on a encore un peu de temps. Et le jour où on voudra payer, effectivement, on pourra affirmer des exigences. Mais bon, on n'en est pas encore là, me semble-t-il. Oui, et puis on n'est pas dans cette dynamique-là. Voilà. Puisqu'en fait, il s'agit de monter quelque chose avec le moins d'argent possible. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai regardé la question du questionnaire, où le mettre. Ouais. Si tu vois la page donc, de accueil, où j'ai mis derrière, en fait, des 5 ensembles, il y a un sixième qui est vide actuellement. Hein. Attends, je suis sur l'accueil. De quel ensemble pas? Ah oui, ma curiosité n'avait pas été au-delà de... au-delà du texte proprement dit. Oui, d'accord. Alors, attends, là, faut que je me recycle rapidement. D'accord. Ah oui, alors ça, en fin de compte, qu'est-ce que c'est dans ton esprit? Alors le site, montrer l'eau, etc. On est toujours sur la page d'accueil là, avec on est toujours sur la page d'accueil et en fait, ça fait que lorsque tu cliques là-dessus, normalement, tu vas sur la page correspondante. Mais d'accord. Tu as une petite explication sur ce à quoi ça correspond. D'accord. Et donc, il y a 5 ensembles donc, qui correspondent aux 5 pages actuelles. J'en ai 6, moi. L'eau s'édifier ensemble et l'émerveillement. Oui. Et puis, il y a un autre que je n'ai pas encore attribué. Intitulé, tout à fait. On pourrait mettre le questionnaire. Le lien vers le questionnaire. Ouais, sauf que... Alors là, je me fais un peu critique, si tu veux. Je remonte au texte dans lequel je te faisais un petit commentaire. Pardonne-moi si de temps en temps tu dois me trouver un peu en kikinant, mais c'est mon ressenti, si tu veux. C'est un ressenti d'internaute un petit peu averti, un petit peu averti, qui me fait dire qu'il y a des choses qui vont et des choses qui vont pas. Et dans les choses qui vont, eh bien, c'est que là, maintenant, on a une page d'accueil qui, comme je te le dis, les fondamentaux sont bien posés. Nous sommes d'accord. Mmh. Peut-être il faut aller plus loin en épurant ces lignes. En un mot, tu as encore trop de mots. il faut aller à l'épure. Bon. Mais ce que je te dis est un peu contradictoire parce que je te dis que il y a trop de mots, attends, je me relis, mieux expliquer la démarche. Alors, il faut mieux expliquer la démarche avec plus de mots directeurs. Pour Google, il faut les mettre en caractère gras, mais aussi pour le lecteur, hein, ces mots-là. Seront des liens vers les autres pages du site, mais peut-être aussi vers des textes de référence. Il y a peut-être, quand je t'ai entendu, tu parlais quand même de choses intéressantes en matière de textes de référence. Et la concision doit tout de suite prendre en main notre internaute. Voilà. Donc, en un mot, moins de mots, mais des mots plus pertinents qui prennent en main et qui fascine, entre guillemets, ton auditeur pour qu'il, après te l'avoir lu, il prenne un souffle et puis il ait envie de continuer, si tu veux. C'est un peu comme sur un tremplin. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur un tremplin, tu te lances, mais avant de retomber, de te casser la figure, il vaut mieux, je dirais, se donner les moyens de bien prendre en main ton auditoire. Et ça c'est fondamental. C'est pas facile, hein. Mais quand je parle d'épure, je sais de quoi je parle. C'est hyper dur. Mais il faut savoir que les gens... Pourquoi je te dis ça? L'internaute, c'est un zappeur. Si tu veux, il lit 3 trucs, et puis après, si ça l'embarque pas... Ça ne lui donne pas envie d'aller plus loin. Donc, il faut lui donner envie d'aller plus loin. Et pour lui donner envie d'aller plus loin, il n'est pas encore, cet internaute, dans ton état d'esprit. Toi, tu as déjà franchi un certain nombre d'étapes qui te rapprochent du merveilleux et de la spiritualité correspondante. Mais lui, il faut que tu le prennes en main, quoi. Bien, il faut que tu le prennes en main et que tu l'amènes là où tu as envie de l'amener. Et c'est pour ça que je trouve intéressant maintenant de voir les annexes à cette page d'accueil que tu as faite. Et ça, c'est très bien. C'est très bien de... Je vais prendre un exemple, toujours le mien, moi. Tu as remarqué que je n'étais pas descendu au-delà de ma propre observation. Je n'avais pas vu que tu avais mis quelque chose. C'est mauvais signe pour toi. Oui. je plaisante, hein, tu comprends. Si moi je ne l'ai pas vu, alors j'imagine les autres. Oui, tout à fait. Il y a juste une... En fait, Le texte est long, mais en fait, il est déjà une synthèse rapprochée de ce que j'avais déjà mis sur Aria. D'ailleurs, il y a des choses en fait, qui sont déjà sur Aria, notamment des textes de référence. Il y a pas mal de choses que j'avais commencées. Et il me semble que la phrase la plus importante, en fait, c'est celle qui est en gros. Le monde n'a jamais eu autant besoin de jardins merveilleux que maintenant. Et déjà celle-là, elle m'interpelle. Oui, ça accroche. Ouais. Ça, c'est bien. C'est une accroche. C'est un titre accrocheur. Voilà. Mmh. Là, c'est en ce sens que je te dis, voilà, les fondamentaux sont bien posés. Ouais. Mais il faut les articuler de façon plus saillante. Oui. Mais ouais, le monde n'a jamais eu autant besoin de jardins merveilleux. Je mettrai de jardins merveilleux entre guillemets. Oui. Je te le fais tout de suite, d'ailleurs. Oui, c'est très bien. Je constate en direct que tu travailles dessus. Oui, mais ça c'est bien. Ça sera amusant le jour où on sera chacun de notre côté à piloter cette affaire. Ouais. Oui, alors donc, ouais, voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que... Il faut qu'on aille plus loin, quoi. Il faut qu'on aille plus loin. Si je comprends bien ton objectif, c'est d'amener ton lecteur en bas de page pour qu'il aille rejoindre les différents items que sur lesquels tu vas t'exprimer. Oui, d'ailleurs, en fait, moi je les ai mis derrière ce texte en me disant que de toute façon c'était trop loin déjà. Ah. Mais par contre, c'était trop tôt de les montrer avant. Le monde n'a jamais eu besoin autant besoin que Jardin Merveilleux. Donc c'était, il fallait accompagnant ce gros titre, quelque chose de très concis. Et puis juste après, en fait, les boutons qui permettent justement d'aller sur les... Alors, je vais te pousser un peu dans tes retranchements. Oui. La démarche que tu as est pertinente. Par contre... Attends, mon ordi commence à faire des drôles de bruit. Il a chaud. Bon. Attends, mais c'est vrai. Attends, il a fermé sa page. T'existes plus. Attends. Non. Ah, c'est grave. Ça. Attends. En tout cas, moi, je t'ai toujours. Hein. Tu m'as toujours. Bon, alors ça va. Mais attends, il faut que je retourne à mon jardin merveilleux, moi. Ouais, j'y suis. Ouais. Donc, on pourrait, à mon sens, dans cette fameuse introduction, on pourrait amener notre lecteur à prendre en compte le site, montrer l'eau, etc., dans les phrases que tu vas faire sur cette page d'accueil. Mmh. Et tu auras en caractère gras le site s'édifier ensemble, émerveillant, etc. Et là, on fait un lien vers les pages concernées. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait dans d'autres pages, justement, sur Aria. C'est qu'en cliquant dessus, hop, tu vas sur la page suivante. Voilà. Tu vas sur le Google Site qui est aussi que j'ai pris pour Aria, autant je peux mettre ça en gros et même en couleur pour mentionner qu'il y a un lien qui est efficace, autant là, ça me paraît un peu léger. Non, tu n'auras pas de souci. Si tu veux, tu n'auras pas de souci tant que la personne sera avec la souris, avec sa souris, à repérer. Ah oui, ça aussi, il y a un code, il y a des codes à avoir. Le code à avoir, c'est que le lien le mot directeur t'amenant au lien soit codifié et reconnaissable de ton internaute. Oui, c'est ça. Bon, mais ça, je m'en occupe. C'est pas un problème. D'accord. C'est pas un problème. Par contre, à mon sens, fais ton texte. Dans ton texte, tu vas mettre en gras les titres des pages vers lesquelles tu veux amener ton auditoire, hein, et moi je te fais les liens, si tu veux. Je pense. D'accord. Bon. Ça marche. Hein, on fait ça? Et pour la bonne règle, alors attends. Il faut déjà voir quelque chose. Là. Il y a un truc qui me gêne, parce que j'ai cherché à le faire, j'y suis pas arrivé, c'est à faire du texte en couleur. Oui, c'est ce que j'ai cherché aussi. Ah, t'as cherché, bon. Parce que ça serait un texte en couleur. Alors, on a droit à de l'italique. Au caractère grave, basta. Alors, entre nous, je te ferai tes liens à partir. On convient que la bonne codification, c'est un lien en italique. C'est un mot directeur en italique. Je me comprends ? Oui, moi j'aurais mis gras italique. Eh bien, les deux, si tu veux. C'est ce que j'emploie moi-même pour causer avec toi. Parce que sur les trucs, bah sur Google, comme d'ailleurs sur Word et partout, en fait, à partir du moment où il y a le lien, il se met automatiquement en bleu. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça que je te parlais des codes. Mais ça, bon. C'était vrai hier, ce que tu dis. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Oui. Aujourd'hui, le code couleur a un peu moins d'importance. Mais par contre, il faut qu'il soit en gras. Et si on peut faire une pierre deux coups, trois coups, c'est-à-dire, tu annonces ton lien qui va être un mot directeur, oui. Et ce mot directeur t'envoie à la page avec de l'eau, créer, grandir, ensemble, etc., etc., ça, oui. C'est bien. Ça, oui. C'est vachement bien. D'accord ? D'accord. Bon. Alors, bien sûr, ça va t'amener peut-être à remodeler un peu ça, mais à remettre l'ouvrage sur le métier. Mais bon, c'est pas... Je sais pas, hein ? On est d'accord sur cette page d'accueil ? On est d'accord que c'est là où ça doit percuter, que c'est là où, derrière, eh bien, on va promener notre auditoire. D'accord. Et on va le faire rebondir. C'est le terme employé par les connaisseurs, faire rebondir l'internaute de lien en lien pour l'amener là où on a envie de l'amener. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le Google Form, pour savoir comment je dois concevoir le fameux questionnaire? Ouais, je peux. Alors, on va. Tu vas aller sur ton drive. Alors, allons-y. On va faire un test ensemble, un truc ensemble. Hein? D'accord. Je vais sur le drive. Tu vas sur ton drive, d'accord? Tu vas cliquer sur nouveau. Alors, attends, il faut que j'écarte ta photo. Ah bon, je suis en photo. Ah non, mais attends, on est de l'autre côté, hein. Le nouveau, il est de l'autre côté. Ma photo, elle doit être normalement à gauche. À droite, pardon. Oui, oui, mais en fait... Moi, je te parle à gauche. Je peux la balader là où je veux, finalement. Ah ben non, tu fais pas ce que tu veux avec ma photo, quand même. Non. Ah ben, nouveau. Nouveau. Tu cliques, hein, d'accord. On fait la manip en même temps. Alors, tu vas avoir un nouveau dossier qui va s'appeler test. Hein. Ouais, je l'appelle test. OK ? Alors, un nouveau format. D'accord, là, il me met tout en anglais. Oui. OK. Créer. Oui, créer, oui. D'accord. Oui. Bon. Alors, attends, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie parce qu'il ne m'a pas proposé bien les choses. Alors... Oui, j'ai fait une erreur. Parce que normalement, il propose d'autres choses. Oui, mais c'est ça. Oui, eh bien, on va y aller. Ça y est, Google Form, je l'ai. Tu l'as ? Oui, j'ai créé. Alors, j'ai en anglais, hein, j'ai tout, là, Docs, Sheets, Slides, et puis après ça, dans More, juste après, il a Google Form. Oui, alors attends, slide, plus, Google Form. Bon, alors on va sur Google Form, d'accord. Il y a soit avec le template, donc avec une mise en forme déjà faite, soit avec un truc blanc. Oui, non, mais on va utiliser une mise en forme déjà faite. D'abord, les gens connaissent un peu, donc ils ne seront pas surpris. Et voilà. Alors, tu te retrouves, c'est l'outil, si tu veux, qui va permettre de mettre toutes les options que tu veux voir apparaître sur ce questionnaire. D'accord ? D'accord. Attends, je fais juste un essai. Non, voilà. Ouais, donc moi ce que je te propose pour te simplifier la vie, parce que ça demande une petite gymnastique, je préfère utiliser ton temps précieux à ce que tu travailles sur ton site et que tu me laisses faire ce truc, parce que à chaque fois tu t'attrapes des crises, des colères, des machins, parce que c'est pas forcément d'une ergonomie extraordinaire, mais bon, ça a le mérite d'exister. Alors. Quel est l'intérêt? En fait, c'est parce qu'il fait lui-même des statistiques dessus, ouais, et des trucs comme ça. Alors, l'intérêt, c'est que tu vas te retrouver avec... Tu vois, donc tu es sur le formulaire sans titre, hein, tu dois avoir un truc qui s'appelle formulaire sans titre, tu le vois sur Google. Oui. Au-dessus de formulaire sans titre, ta question en violet et puis ta réponse en noir. Oui. Donc, tant que tu restes sur le formulaire que tu vas créer, tu vas poser un certain nombre de questions. Oui. Et les réponses, tu vas les retrouver sur un tableur. Ah ouais, c'est super. Oui. Tu vas les retrouver sur un tableur. Alors, c'est pour en avoir traité un certain nombre, c'est un peu hermétique, quoi, hein. Bon, c'est là, c'est très fonctionnel, si tu veux. L'esthétique, mais on en reparlera. La seule chose qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, puisque tu es sur un tableur, tu peux avoir sur ce tableur des champs libres. Si tu dis dans ton questionnaire, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que pour vous un jardin merveilleux, et puis que tu laisses au gars la possibilité de te mettre 15 lignes là-dessus, tu vas te retrouver sur ton tableur avec tout le charabia du gars, si tu veux, mais c'est... Oui. Bon. Mais, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant, on le mettra en forme convenablement après. Mais c'est là où tu peux tout de suite... D'une part, tu interpelles ton internaute, et d'autre part, tu l'amènes à répondre aux questions que tu as envie de lui poser, si tu veux. Alors, les questions très courtes, de préférence avec des réponses fermées, et là où il y a des réponses libres, tu limites. Tu limites le nombre de lignes, quoi. Donc, tu m'entends toujours, là, parce que je te vois turbiner. Je suis en train de taper, parce que je t'entends et je prends en note pour pouvoir bien réfléchir à la chose. D'accord. Mais tu sais que je vais t'envoyer le lien de notre causerie, hein. Oui. Ouais, oui, tu l'as déjà fait, c'est bien. Ouais, voilà. D'abord... Peu de questions, aller à l'essentiel, hein, toujours pareil, hein, aller à l'essentiel, il ne faut pas fatiguer ton internaute. Quoi. Si tu le fatigues, le gars, il te plante là et tu n'auras pas les réponses. D'accord ? Oui. Alors, moi, ce que je te propose... ce que je te propose, ce questionnaire, tu le fais sur Word ou ce que tu veux, peu importe le support. Ouais. Et puis moi, après, derrière, je le reprends et... attends, j'étais en train de réfléchir. Ouais, je le reprends et puis tu... on fera un premier échange, si tu veux. Alors, on ne va pas mettre ça tout de suite en ligne. Si je vais, s'il y avait quelqu'un qui venait sur notre site. Mais on aurait un échange et on ferait des tests ensemble, pour voir un peu ce qu'il en est. Mais libre cours à ton imagination pour aller à l'essentiel. Tu sais que les gens, ils n'aiment pas écrire. Ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas écrire. Donc, plus tu auras des questions ouvertes, plus tu vas les rendre malheureux. Donc, des questions fermées avec des options de réponse où les gars n'ont que... Les gars, les filles aussi. N'auront pas cliqué. Voilà. Et ben, c'est comme ça que, je pense, on pourra... D'accord. Ça te va ? Ça me va. Je ne connaissais pas ce truc-là, c'est très bien. Merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. Ouais. Je vois qu'on peut... l'utiliser plus tôt. Ah ben oui, mais c'est vachement interactif, quoi. Toi qui veux du collaboratif, c'est parfait. Tu peux même l'utiliser. Bon, mais ça, on ira c'est, dans d'autres formes de travaux. Ça, c'est pour un autre jour, ça. Moi, j'avais travaillé sur les wikis, en fait, les textes faits collaboratifs en ligne. Ouais. Et alors, ça marchait ? Pardon ? Tu étais content ? Des wikis ? C'était bien qu'on travaillait en ce moment, là, les gens qui sont en télétravail, c'est un peu beaucoup ce genre de choses qu'ils sont en train de faire. Hein. Ouais. Sauf pour ceux qui n'aiment pas faire et qui passent leur temps au téléphone et qu'on entend dans la rue parce qu'ils ont la fenêtre ouverte. Mais, ouais. Ce midi, on était allé manger sur la terrasse et on entendait tout ce qui se passait en face. Ah ouais. Un gars qui était sans doute en interaction téléphonique ou visio, c'était un peu pénible. Ah d'accord. Nous, ce midi, on n'a pas pris de café sur notre terrasse, mais on a ouvert la fenêtre. Et puis là, on a notre voisine du dessus qui est apparue. Les voisines d'à côté qui sont apparues, et puis on s'est fait une grande discussion un peu à l'italienne, tu vois, dans les cours, et c'était vachement sympa. Demain, je vais sortir une petite musique et on va prendre le café dansant. Mais bon, c'est la suite du film. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre donc le formulaire, hein. Tu me poses des tu mets brutalement un peu ce que tu as envie de poser comme question, mais court et à l'essentiel. Il propose dans le questionnaire des templates avec différentes formes. Je pense que dans les templates, on peut changer les photos et trucs comme ça. Je vois qu'il y a, si tu veux, moi j'en ai jamais fait avec photo. C'était des trucs très techniques, quoi. Je me servais de ça, je m'en suis servi beaucoup dans une association que l'on avait à l'époque pour solliciter les gens. On organisait des marchés, des trucs comme ça. Donc je les sollicitais. C'était très technique. Là, je vois aujourd'hui qu'on peut mettre des photos, qu'on peut mettre des vidéos. Pourquoi pas, mets-moi des photos, je vois qu'on peut les mettre. Donc. On peut rendre les choses un petit peu moins austères. Mais... Voilà, et surtout un peu moins, standard. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Mais avec toujours en ligne, dans ta tête, que plus tu vas mettre d'informations, plus tu vas distraire ton auditoire, et plus vite tu vas le perdre. Oui. Et je pense que tu as un tempérament qui peut tout à fait répondre à ce genre de choses. D'accord ? Oui. Bon, voilà. Voilà. Quelles sont les choses sur lesquelles je peux te solliciter encore, Jardin Merveilleux? Alors, ce que je te propose, on va faire défiler nos pages, hein, parce que certaines ont évolué. Bon, donc, sur la page d'accueil, c'est celle-là qu'on va bichonner et qui va aller dans le sens de ce qu'on vient de se dire, hein. Oui. Bon, là, l'objectif, c'est de faire en sorte que ton auditoire, eh bien, puisse aller se promener à partir de la page d'accueil sur les pages connexes, en fonction, oui. En fonction des centres d'intérêt qu'il aura. D'accord ? D'accord. Il faut que je fasse juste un truc, parce que je voulais te montrer éventuellement quelque chose. Je voulais te montrer un exemple de ce que j'avais fait, dont je t'avais parlé d'ailleurs. Attends, je suis obligé. C'est un site, un vieux site que j'avais fait. Il y a très longtemps de ça, il faut que je le retrouve. Voilà. C'est un site que j'ai fait qui arrive. Non pas sur Google, parce que j'y suis pas, mais sur Quant, qui arrive en deuxième position, quoi. Tu vois, il est vachement bien référencé. Mmh. Tu vas taper navigation dans l'Antiquité. Navigation dans l'Antiquité. L'Antiquité. Oui. Tu vas trouver normalement en deuxième ou troisième, ça dépend. Navigation dans l'Antiquité, tiret Google Sites. Tu le vois, Google oui, Sites oui. Allez, clique là-dessus. D'accord. Alors ça, c'est un site dont je t'avais parlé d'ailleurs, parce que c'est le bouquin oui. de mon père. Tu te souviens, je t'avais parlé de ça. Bon, oui, c'est un site que j'ai fait il y a 15 ans. Mmh. Qui aujourd'hui est visité, on va dire, entre 2 et 3 000 fois par mois. D'accord. Mais si tu regardes bien dans la présentation, tu retrouves que... tu retrouves une page d'accueil assez sobre, mmh. avec des liens qui t'amènent vers ce que les gens... ce qui intéresse les gens. Oui. Tous les liens que tu vois là, d'ailleurs, ça nous dira peut-être qu'on doit pouvoir faire des liens comme ça sur le site. Tous les liens que tu vois là, ça correspond à ce qui intéresse les gens. Oui. D'accord ? Et donc, tu vois qu'il y a une disposition en fait, qui est beaucoup plus variée que celle du site sur lequel on travaille actuellement. Oui, tout à fait. Oui, je me faisais la même réflexion que toi, mais ça doit peut-être pouvoir s'arranger, cette affaire-là. Tu aimerais quelque chose comme ça ? Ben, c'est la disposition que j'ai dans l'ancien Google Site, enfin le site sur lequel je travaille avec pour Aria 2O2D. D'accord. Et là, je peux faire tout ça, on peut mettre des tableaux, mettre là, parce qu'en fait, un tableau à trois colonnes. Ouais. Quand tu sais que tu as un lien vers quelque chose parce que c'est souligné en bleu, c'est en bleu et c'est souligné. Ouais. Tu as le rappel de tout sur la gauche. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Bon, l'histoire de la gauche, hein, rappelle-toi, on en a parlé. Hein. Oui. On est resté sur une table des matières tout en haut. Bon, là, oui. Je ne pouvais pas le faire parce que, si tu veux, le livre de mon père, il fait 15 chapitres. Et puis, oui, pas des bricoles, quoi, tu vois. Donc, oui. À partir de là. On se retrouve à devoir rester sur un plan vertical. J'attire ton attention sur la rubrique documentation, dictionnaire des termes marines. C'est pour te donner des idées, hein. C'est juste ça. Et l'idée, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un site internet ne fonctionne bien que dans la mesure où il est en lien avec les autres. L'internet, ce n'est que des liens, ce ne sont que des liens. Ce n'est rien d'autre que des liens. Les gens ne savent pas parce qu'on les embobine avec des trucs très jolis, des photos, des machins, des trucs. Mais techniquement parlant, ce ne sont que des liens. Donc... mais par contre, il faut que les liens marchent. tu as beaucoup de gens qui font des sites et les liens ne marchent pas. Alors, tu te retrouves avec une erreur 404. Le premier, ce sont les sites publics. Oui. Ils ont mis en place, notamment à l'Éducation nationale, un site qui permet de faire du télétravail et puis rejoindre les élèves à distance. Ça ne marche pas bien. Voilà. Donc, on va tâcher de ne pas faire ces erreurs-là qui étaient des erreurs de jeunesse à l'époque. Voilà. Si je voulais te montrer ça, c'est qu'effectivement, tu as des questions de présentation. Tu as là, si tu veux, l'essentiel du bouquin. C'est un bouquin qui fait 1000 pages à peu près. Mmh. L'essentiel du bouquin sur 3 colonnes. Alors, pourquoi j'ai choisi ces 3 colonnes ? Parce que c'est une typographie qui correspond bien à ce que des lecteurs et des gens un peu aguerris point de vue culture, eh bien, c'est la typographie de ton journal, avec peu de mots, mais on va souvent à la ligne, etc. Donc voilà, tu voudrais donc peut-être que je regarde cette histoire de présentation. Parce qu'en fait, je me sens un peu coincé dans la forme que tu m'as proposée. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est Google, mais je ne veux pas me défausser, hein. Je m'assume. tout à fait. On va voir si on peut mettre des colonnes, hein, parce que c'est un peu ça. Alors, je vois qu'on peut mettre une table des matières, ce qui est pas mal. Tu préférerais être sur 2-3 colonnes? Tu les avais déjà sur le site d'Aria, donc tu as vu que en fait toutes les possibilités que j'avais déjà utilisées là-dessus, notamment parce que j'ai mis les choses aussi sur le site à la fois à gauche en une colonne et en tête, ce qui fait que en fait le gars peut toujours revenir. L'internaute est pris entre le haut où il y a les liens, la gauche où il peut retrouver les liens et le bas où il peut aussi retrouver les liens. Ouais. Ce qui fait que quel que soit l'endroit où il est sur la page, il peut toujours les retrouver. Mais le problème, c'est qu'il est cerné. Il est cerné, oui. Non, mais c'est pas innocemment que je te dis ça. Et aujourd'hui, l'internaute, il a besoin d'air, il a besoin de respirer. Mais c'est quelqu'un de très complet, très complexe, l'internaute. Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement difficile de comprendre. Est-ce que tu connais Google Analytics ou des choses comme ça? Non plus. Note ça dans un coin. Google Analytics, c'est ce qui te permet de suivre ton, comment dirais-je, de suivre ton auditoire et de voir. C'est comme ça que je peux te dire que le site du livre de mon père, eh bien, il est visité entre 2500 et... Alors ça, je l'ai, en fait, sur le site d'Aria, ça m'a été proposé pendant un moment et je n'ai pas pris parce que c'était proposé à titre... il fallait des compléments d'informations que je ne voulais pas donner. Et par ailleurs, à un moment, ça m'a été proposé, mais à titre onéreux. Donc, je ne l'ai pas fait. D'accord. Du coup, y avait des fonctions auxquelles je n'avais pas accès. D'accord. Voilà. Donc, je savais que je n'y avais pas accès. Par contre, j'avais fait un blog sur lequel je pouvais suivre, un blog sur Google, sur lequel je pouvais suivre, en fait, le nombre de personnes qui avaient visité et tout ça. Enfin, c'était automatique. D'accord. Alors que sur le Google site d'Aria, je ne peux pas le faire parce que j'ai choisi de ne pas donner certaines informations. D'accord, ok. Bon, alors, je pense que tu as mal interprété les choses parce que... mais c'est pour un autre jour, ça. On en reparlera parce que tu verras que c'est intéressant. Tu verras que c'est intéressant de suivre ton auditoire, de voir ce qui l'intéresse, ce qui lui va moins bien, et puis là où il a zappé. Tu connaîtras le temps qu'il reste sur chaque page, en un mot, là pour le coup tu es vraiment cerné avec cet outil-là, et c'est là où tu t'aperçois que l'Internet est quelque chose d'extrêmement diabolique et que tous les grands sites qui, eux, brassent du monde, eh bien, sont en permanence à étudier ce qu'on appelle le taux de rebond, c'est la capacité, c'est ça, oui. Hein, et la capacité qu'ils ont à te vendre un produit plutôt qu'un autre, à te manipuler, quoi. Bon. C'est ça. Bon, mais c'est intéressant. Je pense que c'est une expérience, mais on la vivra, mais un peu plus tard. Il faut déjà que le site soit référencé et puis qu'on ait mis des choses qui interpellent notre auditoire. D'accord ? Bon, moi je vais me pencher sur ces colonnes là. Je note. Je suis un peu perplexe. C'est pratique. Mais oui, oui, oui, non, non, mais je ne vais pas te dire le contraire. Je ne vais pas te dire le contraire. Tout en sachant que le livre de mon père que j'ai fait, il est à destination d'historiens, de gens un petit peu aguerris, si tu veux. Voilà. Et des gens qui veulent chercher, qui veulent lire, qui ne sont pas rebutés par ça, quoi. Hein. C'est ça. C'est dans cet esprit-là que je l'ai fait. Il faut déjà être motivé pour y aller, quoi. Ouais. Alors que sur les internautes, c'est, au départ, c'est beaucoup de zapping. Ouais, au départ, c'est... Oui, mais c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut éviter, c'est le zapping. Bon, écoute, j'ai noté, je note cette histoire de colonnes, là. On va voir. Ok. Et ça serait deux ou trois colonnes ? Deux ou trois colonnes, ça me paraît bien. Alors, attention. Trois colonnes, ça veut dire que celui qui va sur son ordi, ça ne devrait pas poser de problème. Mais si sur tablette et sur téléphone, j'en parle pas. Ça n'ira pas. Il y a un problème. Bon, donc, mais écoute, le principal, c'est que on sache se servir de ce fichu site et que derrière, on ait la possibilité de faire la mise en page, de faire des essais de mise en page. Je suis en train là. Ah ouais, attends. Parce que là, j'ai lancé un truc, c'est vachement bien, mais alors tu me prends la place, je te promène. Tu vas aller dans la colonne de gauche, de droite, pardon. Où ça ? Sur le site du Jardin Merveilleux, là. C'est moche. Tu vas te mettre sur la colonne de droite, comme si tu allais intervenir sur les choses. Et tu vas voir qu'en termes de mise en page, tu cliques sur « Insérer ». Tu as une rubrique « Insérer, page ou thème » tout en haut. Oui. Clique sur « Insérer ». J'y suis. Tu vois que tu peux faire des colonnes. Mise en page. Tu cliques sur mise en page, tu vois que tu peux faire des colonnes, tu le vois ? Attends, parce que j'ai des... Le problème, c'est que j'ai le site, mais en anglais, alors. Tu peux pas te mettre en français ? Non ? Tu veux continuer à faire des progrès ? Toi, tu l'as en français, c'est bizarre. Ouais, mais moi... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Version, report problème, peut-être... Page, thème, page... Peut-être dans les... Va à droite. C'est là où tu peux mettre la présentation de ton... J'ai des trucs, j'ai formes, charts, sheets, slides, docs, maps... Je peux mettre pas mal de choses. Non. On n'est pas là. Alors, je sais pas comment mise en page se dit en anglais. Bon. Layout. Normalement, les mises en page, c'est layout. Eh bien, layout, alors vas-y. Voilà. Est-ce que tu l'as ? Layout. Alors là, j'ai plusieurs possibilités avec à chaque fois des photos. Voilà. Et tu as des colonnes. Alors, ben, c'est ce que j'ai fait en bas. Quand j'ai mis les boutons pour le site, montrer l'eau, c'est édifié. Par exemple, ouais. Là, j'ai fait deux colonnes, en fait, en gros. Hein. Ouais. Oui, ben c'est ça. Oui. Bon, voilà. Donc, les colonnes, on les a. Bon, ils ont mis des photos, etc., mais ça, c'est pas bien. On peut les supprimer si on n'a pas envie de mettre des photos. Alors maintenant, tu vas descendre. Oui. En dessous, mise en page, tu as texte, tu as des matières, etc. Et tu vas voir marqué formulaire. Ta sheet, oui, ta feuille de calcul et ta formulaire. J'ai Forms, oui. Eh bien, tu cliques dessus. Et là, je pense que directement sur le site, je n'en sais rien, hein, mais directement sur le site, on doit pouvoir faire des formulaires, peut-être, j'en sais rien. Écoute, j'en sais rien, je vais plus. Bon, donne-moi tes instructions quant au formulaire, et puis je vais. Parce que peut-être qu'on peut le mettre comme ça. Oui. Parce que l'idée que j'avais, moi, avant de me promener comme je suis en train de le faire. L'idée que j'avais, c'est que on est sur la page d'accueil un lien qui amène à ce formulaire. D'accord ? C'est ça. Mais là, on doit pouvoir mettre le formulaire comme ça. Oui, donc, directement dessus. Oui, ouais, on va voir. Hein ? Bon, écoute. On va déjà le concevoir. On va déjà concevoir le formulaire. Par contre, il faudrait que tu fasses attention à un truc. Tu vas vérifier la mise en page. Alors qu'on peut le faire ensemble, hein. On peut le faire ensemble, la mise en page. J'y vais. On voit. Allez, je mets sur deux colonnes pour voir. Ah, d'accord. Ah, il ne l'a mis qu'après. Attends. Là, je suis en train de détruire le site. Oui, mais ça se défait après. On peut supprimer après. Donc, oui. Tu as rajouté deux colonnes. Non, parce que là, j'ai rajouté deux colonnes en bas. Mais j'essayais de mettre le texte de la page d'accueil sur deux colonnes. Essayez de faire ça. D'accord, là on fait un copier et coller. Eh ben non, ça ne le fait pas. Ça le fait. Bon, ça ne le fait pas. Oui, parce que je pense que il faut faire cette mise en page au moment de la création de la page. Au démarrage de la page. Là, la page, on l'a déjà largement démarrée. Donc, il faut reprendre ça. Bon, je vais bidouiller un truc. Je te ferai des propositions. Oui. Hein? Je vais essayer de bidouiller un truc. Je vais voir. D'accord. Colonne. OK. Bon, alors, comment tu veux m'exploiter encore ? Alors, les trucs avec l'eau, on va voir les... Ouais. C'est bien. Les états solides, liquides, vapeur. Bon, qui vont renvoyer sur une page où ça va être traité. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, eau liquide, solide, vapeur d'eau vive, devraient renvoyer sur une sous-page où on traite la chose. D'accord. Parce que sans ça, ça fait trop sur une seule page d'avoir tout à la fois, et les textes, et les photos, et les choses comme ça. C'est vrai qu'il faut penser à ceux qui sont sur leur téléphone ou leur tablette. Donc il ne s'agit pas d'en mettre trop. Oui, mais attends, on va faire un essai. On va faire un essai. Là. Donc on est sur la page avec l'eau. Oui. OK. Bon. Et on la laisse comme elle est, et on va aller cliquer sur les smartphones. Tu vas sur aperçu, tu le vois en haut. T'as ma photo peut-être, je vois la tête, et puis en haut à droite, et puis tu as des flèches, une qui va à droite, l'autre à gauche. Tu as aperçu, tu as les liens, copier le lien, etc. Tu le vois ça? Alors, preview. J'ai aperçu. Après, allez, on va sur aperçu. Puis là, il propose aussi smartphone. D'accord. Et ben voilà, regarde ce qui se passe sur un smartphone. Bon, là, ça va être à la queue leu-leu. Bon, il n'y a pas péril. Sur une tablette, comment ça se passe? Sur une tablette, c'est un peu plus large. Tu es sur deux colonnes, là, par exemple. Oui, c'est pas mal. D'accord, je ne connaissais pas cette chose-là. Mais... D'accord. Bon, on veut passer sa vie sur Internet avec ça. Hein. Ah, mais... ouais, non, mais avant de causer avec toi, j'ai regardé quand même le truc, parce que, si tu veux, moi, j'ai un drame, c'est que j'utilise pas mal d'outils, et puis j'oublie. Et puis quand tu oublies, tu ne sais plus. Ah oui. Et tu passes un temps fou à retrouver. Oui. Bon, donc, avec l'eau, c'est clair, c'est qu'à le dire. D'accord. Hein, d'accord, on la laisse comme ça. Donc, il y a des soupages que tu as noté là. Hein. Créer et grandir, l'art zéro. Ah ouais, ça, j'ai bien aimé, ça, l'art zéro. J'ai bien aimé, parce que ça, je ne connaissais pas. D'ailleurs, il faut que je fasse cette expérience de la feuille de papier froissée. Ouais, c'est un peu comme le test de Yorka, là, ou Shorka, comment ça s'appelle. Vous connaissez ce test de Shorka, là, où tu as des taches d'encre qui te font dire des choses, non? Ah oui, oui, oui, oui. Bon, ça c'est bien. Bon, par contre, toujours un peu critique, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'écris au fur et à mesure. Ah, t'écris. Qu'est-ce que ça vient faire là? L'art zéro? Ben, tout simplement parce que c'est une expérience que tu fais toi-même. Dans créer et grandir, c'est quelque chose que tu découvres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a intéressé plusieurs artistes que je connais qui ne savaient pas, en fait, cette approche-là. Ah, mais je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle l'art zéro, parce que... Non, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. C'est un néologisme. Par rapport à... Par rapport à rien du tout. C'est-à-dire que tu te retrouves avec, comment dire ça, une non-culture. C'est quelque chose que tu ne sais pas. Donc tu ne vas pas essayer de reproduire quelque chose, puisque tu ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Et je me suis mis un petit peu à la place de... les premières phrases de la Genèse. S'imaginer, on est écrit, hein, c'est marqué, on est créé à l'image de Dieu. Donc, s'imaginer le gars avec son espèce de boule, là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, alors qu'il n'a aucune idée de ce que ça va donner derrière. Et c'est seulement... Qui c'est le gars? Hein? Qui c'est le gars dans ton image? Le créateur. Ah, le créateur, d'accord. Okay. Avec un grand C ou un petit C, c'est-à-dire... Parce que tu penses que... Là, on fait un peu de... tu penses que le créateur ne savait pas où il mettait les pieds? Ah, et c'est seulement... Bah, on sait très bien que la Genèse, c'est un poème. C'est ce qui a été dit, que c'était un poème. Et il n'empêche que c'est après qu'il vit, il voit que cela est bon. C'est après... C'est pas avant. C'est bien ce que tu dis. Ouais, on voit que... Non, mais t'as une grande culture des textes. Ouais, c'est bien. Oui, mais tu as complètement raison. Ouais. Bon, eh ben, écoute, ben, il faut le dire, ça. Hein. Il faut le dire. C'est beaucoup de textes, tout ça. C'est ça, le problème. Pardon? C'est beaucoup de textes qu'il faut zapper. Non. C'est... Mais tu vois la discussion qu'on a là, qui est en philosophie, c'est un nom de travailler comme ça, là, comment, de se poser des questions. Hein. Comment ça s'appelle le questionnement en philosophie? Bon, peu importe. Le fait de se poser des questions comme ça t'amène à des développements et des réflexions sur lesquelles tu n'as. Sur lesquelles tu es vierge, quoi. Et qu'est-ce qui est bien là? Tu vois, par exemple, à partir de ton papier, tu viens de me dire, voilà, à un moment donné, Dieu s'est posé la question de savoir si c'était bien. Et bon, ben voilà. Bon, pardonne-moi, c'est pas du tout mon approche, mais c'est ça qui est intéressant. c'est pour celui qui est disponible, hein, parce que là, faut être prudent quand même, hein, parce que pour celui qui est disponible, eh ben, tu vas le promener avec ta feuille de papier. Tu vas le promener. Bon. Eh bien, là, je pense qu'on est bien dans une bonne métaphore qui est bien. Ouais. Là, je le sens bien. Et tu sais, là où j'ai été aussi interpellé sur ce que tu me disais, l'art zéro, c'est que j'ai appris après ça que, j'ai racheté pour 1 euro ce terrain à la famille Dujardin, et qu'une génération avant, il s'appelait Zéro. C'est pas vrai. Si. Et pourquoi il s'appelle Dujardin maintenant ? Et c'est parce que Madame Zéro a épousé un Dujardin. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ah ben oui, non mais ça c'est génial ça. Je sais pas si on peut le mettre là, mais bon. Mais cette approche, ce site-là est gavé d'interpellations, gavé. Mm-hmm. C'est ça qui est fantastique. Oui, mais c'est de l'interpellation pour celui ou celle qui sait. Mais oui, mais quand tu ne sais pas, en fait, tu découvres. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, mais alors, justement, si on va à la découverte, il va falloir, je dirais, préparer ton auditoire. L'auditoire, il a besoin qu'on lui mâche les choses tous les jours, plusieurs fois par jour, à la télé, dans la presse, n'importe où. Pof, on te mâche les trucs. Donc, Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas être avant d'avoir été. Mmh. Donc, c'est un enjeu, moi qui me passionne. Hein. Ça, si tu veux, la démarche, autant je ne te suis pas dans certains domaines, et je te le dis, hein, tu veux, je suis franc. Mmh. Et par contre, là, la démarche, je la sens bien. Je la sens bien parce qu'elle va être amusante, elle va être éducative, elle va être culturellement, elle va imprimer quelque chose à son auditoire, quoi. Mais il va falloir se relever les manches, hein, parce que c'est pas gagné. Quoi. Enfin, mais bon, l'art zéro, ça va. J'ai tout compris. Mais maintenant, il faut que tu l'expliques. Hein. Bon, mais ça, je te laisse faire. Mais c'est bien, c'est bien. Tu sais que on peut faire aussi. Si tu as la flemme d'écrire, tu peux peut-être faire une vidéo de ça. Oui. Ça, c'est des supports qui peuvent être intéressants. Et c'est des supports qui sont tout à fait dans l'air du temps. Tu t'aperçois en ce moment, avec ce fichu coronavirus, que tu as bon nombre de journalistes qui restent à la maison. Qui commence à utiliser des outils de prise de vue, de vidéo, etc., qui les amène à se sortir un peu. Moi, je vois des exemples chez France Inter, des journalistes bien qui se remettent en cause complètement pour continuer de communiquer. Je t'invite à regarder ça, et puis peut-être... une fois que tu auras enlevé le casque sur tes oreilles, qu'on pourra faire une jolie vidéo de toi. Mais il y a des réflexions, hein, encore une fois. Oui. Ok ? Allez, ensemble. Ensemble, voilà. Ah oui, alors est-ce que tu as mis des choses en dessous ? Non, je n'avais pas vu. Combien de mains sont à tenir la maquette de pont sur la photo et comment se sont-elles placées pour que la forme de la voûte puisse tenir, ne serait-ce qu'un instant. C'est la clé de voûte dont tu nous parles. Ben, c'est toi qui parles de clé de voûte, mais en fait, ce sont des gens qui ne savent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une clé de voûte. Ils ont peut-être entendu parler, mais en fait, on leur fait découvrir l'importance de la forme et de la position. Et pour l'instant, en fait, c'est une découverte pour... Ce sont des filles, hein, et c'est une découverte pour elles elles sont en art appliqué et toute la partie structure, elles ne connaissent pas. D'accord. Et c'était assez marrant de voir comment elles se débrouillaient, comment chacune se débrouillait. Bon, j'ai choisi cette photo parce qu'on voit toutes les mains, c'est ça qui est assez rigolo. Ouais, mais on ne voit pas la clé de voûte. Ah, si, on la voit, elle est juste sous, elle est derrière le pouce où il y a une bague, là. Ouais, mais bon. c'est toi qui l'as prise, la photo ? Tu l'as ? Non, mais la photo, je l'ai, mais en fait... Il faudrait la recadrer différemment, parce que... Ouais, c'est ça. Il faudrait la recadrer différemment, de façon à mieux montrer ton pont, et toutes les mains qui le tiennent, et à partir de là, ouais... Bah, fais-la moi passer, je te la bidouillerai. En fait, j'en ai pris plein. Jeudi matin dernier, et, ouais. Je suis allé là-bas. On était déjà un petit peu en position avant confinement, mais pas très très loin. Et donc, j'ai pris mes distances et je n'ai fait que des photos. Et j'en ai pris comme ça toute une série. Et par contre, quand je l'ai posé là sur le site, il me l'a recadré de façon complètement stupide. Je n'ai pas pris le temps de la... Ouais, d'accord. De la replacer. D'accord. Et pourquoi tu dis, ou tu écris tout du moins, toute la relation horizontale constructive ? Pourquoi tu parles d'une relation horizontale alors que nous sommes dans une relation convexe ? Ça, c'est une... la relation horizontale, c'est une référence à mon père. Si je peux te dire que mon père qui était pasteur, oui. Il disait dans ta vie tu as des relations horizontales et tu as la relation verticale. Mm-hmm. Et tu joues avec les deux là-dedans. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est reprise par le Christ quand il dit aimez-vous les uns les autres et qui équivaut à tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Donc il y a une partie horizontale et une partie verticale. Et là, c'est la partie horizontale, c'est-à-dire ce sont les voisins, les prochains, ce qu'on appelle les prochains, parce que ce sont ceux avec lesquels on se construit. Ce qui n'a pas été du tout l'interprétation de l'Église, qui a parlé de prochains comme celui vers lequel de qui on s'occupe parce que, avec une petite relation de condescendance, de pitié, ou de charité, voilà. Là, c'est une relation, c'est on se construit ensemble, en gros. Ou on construit ensemble. T'es conscient que ça demande des explications beaucoup plus larges que ce que tu as mis là hein. Oui, tout à fait. Oui, d'accord, ok. c'est pas facile, hein. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment facile. Ah non, mais attends, c'est pas facile, mais tu choisis pas, toi non plus, la voie de la facilité. Hein. Là, je dirais que... je n'ai pas choisi la voie de la facilité, c'est presque elle qui m'a choisi. Enfin, je n'ai pas choisi cette voie-là. C'est... Quand je te dis j'ai reçu un petit peu un appel de ce terrain, c'est ça. C'est un peu ça. Est-ce que je l'ai choisi ? Je ne sais pas. Il y a des portes qui se sont ouvertes et qui continuent de s'ouvrir. Et... Vous vous êtes choisis mutuellement. Voilà, c'est ça. Vous êtes choisis. Bon, ben voilà, ben, faut l'expliquer. Hein. Il n'y a qu'un. Bon, ok, d'accord, pour l'ensemble, dans un jardin, bon, alors ça, je te dis, l'important pour avancer n'est-il pas tant ce qui est derrière nous ou ce qui nous éclaire nous-mêmes que ce que nous avons devant nous et qui est éclairé. Alors, c'est quelque chose que tu as rajouté, ça, non? Parce que j'ai mis ça. Oui, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Parce d'accord, que, en fait, parce que je ne l'avais pas vu encore. Ça m'avait pas... Non, je l'ai rajouté, ça. Ouais. Tout simplement parce que j'ai eu la réflexion de gens qui disaient oh, c'est un site qui est orienté vers le nord, c'est moche, on n'a pas le soleil. Enfin, bref, ouais. Qui était très orienté sur moi, en gros, sur ma situation. Je préférerais être éclairé, alors que je leur ai montré mais regardez comme c'est super chouette en face. Et comme c'est bien éclairé, et comme ça change tout le temps, puisque en fait le soleil passe d'un côté à l'autre, et ils n'avaient pas du tout cette vision-là, mais ils l'ont découvert. D'accord. À partir du moment où ils étaient avec moi sur le d'accord. site, ils disaient, ah oui, en effet, il y a quelque chose. D'accord. D'accord. Alors, dans ma réflexion du 13 mars, je te disais, est-ce que là n'est pas ton introduction ? C'était par rapport au, à ce que j'avais mis dans le site, là. Ce que tu avais mis dans la rubrique, le site, entre oui. rue Neuve, etc. Je pose la question. Est-ce qu'il n'est pas plus simple d'être concret avec ton auditoire, d'être sur le plancher des vaches avec ton auditoire, que tu vas amener en élévation vers ton merveilleux? C'est-à-dire que là, tu pars du plancher des vaches entre la rue Neuve et le quai Neuf, etc., etc., et tu les amènes vers le merveilleux. Alors que là, on est dans une rubrique qui s'appelle « Dans un jardin » et on est presque à la fin du site. Question. J'ai pas de... J'ai pas de réponse à ça. Ni même, si tu veux, je ne veux pas avoir, dans la relation que l'on a, je ne veux pas trop interférer auprès de toi. Je sens déjà que je prends beaucoup de place quand je te parle et que je t'amène à être plus concret, à être plus horizontal que vertical. Mais je ne veux pas aller trop loin parce que je risque de casser ton merveilleux, quoi, et je veux pas. Non, mais tu as la bonne réflexion, parce que c'est la même réflexion que j'ai. En fait, c'est une réflexion pédagogique. Je te parle, tu es à distance, mais en fait, je te parle un peu comme un proche, un ami. Mm-hmm. On s'édifie mutuellement. Et je me dis parfois que, en gros, le Christ n'a pas été assez pédagogue en la matière, puisque en fait, il est arrivé avec une foule de, je dirais, d'effets spéciaux presque, hein, miracles, etc., qui ont fait qu'il a terminé, il a mal terminé. Bon. Et là, en fait, je rejoins le tableau de Michel-Ange, où en fait, il y a une main tendue. Et il y a une main tendue de la part d'Adam et il y a une main tendue de la part de Dieu. Il faut aller le chercher là où il est, en gros. Adam ne peut plus se lever, il est allongé. Il faut aller le chercher là où il est. Et c'est Dieu qui vient. Et en fait, c'est ça. Le côté pédagogique, c'est il faut aller chercher les hommes là où ils sont. Et c'est vrai que le fait de dire « Est-ce que c'est pas là ton introduction, le jardin ?» C'est vrai que le jardin, ça parle à tout le monde. C'est quelque chose, d'autant plus maintenant qu'on est confiné. Et donc, là, il y a, ce que tu as écrit, c'est une interpellation en même temps qu'une espèce de confirmation. De dire, c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en premier. D'accord. Dire, voilà, jardin merveilleux, crac, jardin. Déjà, parlons clair et palpable, jardin. Mmh. Voilà. Cite. Je sais pas. Oui, ben voilà, c'est intéressant de... Moi, à mon sens, dans la démarche que j'aurais si j'étais toi, mais je ne suis pas toi, si j'étais toi, moi je partirais du concret vers une élévation qui m'amène jusqu'au merveilleux. Mais ce qu'il faut, c'est interpeller les gens. Et les interpeller avec des mots forts, avec, je dirais, quelque chose qui les touche. Quelque chose qui va les prendre suffisamment en main, un peu comme Dieu qui rejoint Adam avec ses deux mains qui elles se frôlent même pas. Hein. Mais elles se touchent pas encore. Et je serais curieux de demander à Michel-Ange si elles se sont touchées un jour ou pas. Oui. C'est pas gagné. Mais bon. Je vais sur la page merveilleux pour voir à quoi ressemble ce... Ouais, c'est vrai, ils ne se touchent pas, ils sont pas loin. Il y a juste l'espace d'un doigt entre les deux. Mais c'est ça qui est fantastique, si tu veux. Hein, c'est ce doigt. Bon, ben, cet espace-là, c'est lui qui va nous mettre en communication avec le divin. Oui. Ben, et cet espace-là qui est infime sur cette fresque est énorme dans la réalité. Et chacun dans sa quête consciente ou inconsciente de spiritualité, eh bien, chacun va faire en sorte que ce lien se devienne de plus en plus étroit. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas toujours un infini coronavirus entre les deux, qu'on ne voit pas, mais qui viennent complètement foutre en l'air notre truc, quoi. Ah, mais ce tableau, il m'interpelle. Enfin, rien que quand je le vois là, et que je vois là... D'ailleurs, on n'en voit qu'une partie. C'est ça qui est aussi un peu casse-pied. Mais bon. On voit la différence de dynamique entre la position du barbu à droite, ouais, et puis la position résignée de Adam à gauche. Oui. C'est assez marrant, quand même. Oui, oui, oui. Alors, attends, il y a un truc qui ne va pas. Alors... c'est très bizarre ça, parce que la tête de Dieu, elle a disparu. Alors que dans le premier cadrage, parce que la photo, je l'ai diminuée, je l'ai agrandie, je l'ai bidouillée, quoi, si tu veux, de façon à ce que la tête de Dieu et celle d'Adam, ainsi que son genou et sa main, et tout ça, ça soit visible. Et là, la tête de Dieu, je vois qu'elle a disparu. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bon, est-ce que c'est... Là, c'est la question du recadrage qu'on avait vu aussi avec le con. Hein, Complètement. Mais par contre, c'est vrai que le mot merveilleux est juste à l'endroit de la main où justement c'est intéressant. Voilà, tout à fait. Si on descend tout, on aura toujours la tête d'Adam, on aura la tête de Dieu un peu plus complète, ouais, et on aura les deux mains qui seront en dessous du merveilleux. Donc ça sera pas mal. On les verra mieux. Attends, le merveilleux, il est... Bon, on recadre, comme tu viens de dire. Et le merveilleux, il est où? Là, je le vois, je me suis mis en preview, c'est-à-dire en utilisation totale. Et les deux mains sont juste derrière le mer. Il y a merveilleux. Oui, les miennes aussi, oui. Si on recadre en mettant un peu moins des pectoraux de Adam et un peu plus de tête de Dieu, les mains seront en dessous du mot merveilleux. Du coup, on verra mieux les deux mains. Attends. Je note ce que tu viens de dire, parce que je vais essayer de bidouiller ça, c'est pas gagné. Hein. Alors, les mains, toc, je dessine des mains. En fait, on descend l'image. Et les mains, elles sont là, et le merveilleux, il est sous les mains. Non, c'est-à-dire que, si tu descends seulement l'image... Gardons. On fait un focus sur les mains et sur le merveilleux. Le merveilleux, il est où? Le merveilleux, juste en dessous pour qu'on voit bien les mains. Redis-moi ça. Les mains doivent être en dessous, c'est-à-dire... Les mains sont en dessous du merveilleux. D'accord, ok. Verticalement, pour qu'on voit les mains sans occultation du mot merveilleux par-dessus. Très bien. Très bien. Non, mais je me suis fait un petit machin, là. Bon, c'est pas gagné, hein, mais on va essayer. On va essayer, d'accord, ok. Bon. Chanter un peu les petits qui sont à droite. Ben non, c'est bien qu'ils soient là. J'ai voulu qu'ils soient là. Parce que, de toute façon, pour moi, ils étaient importants. J'ai voulu là, et puis celle de l'ange de droite, parce que sinon tu lui coupes. Alors, soit tu coupes complètement, parce qu'on peut très bien, puisqu'on a parlé des mains là. Tu vois la tête de l'ange de droite? Oui. Tu vois la main de Dieu qui va dans son cou? Bon, si tu coupes là... Il y a quelques, je dirais, des chasseurs de pédophiles qui pourraient interpréter ça très très mal, je pense. Oui, oui. Non, mais on peut avoir l'esprit tordu. Ça, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Mais, et puis j'ai utilisé la meilleure photo qui me semblait, parce que des photos comme ça, tu n'en as pas beaucoup, hein. Plutôt t'en as des milliers, mais elles sont inexploitables. Bon, ok, écoute, je vais mettre le merveilleux au-dessus des mains. Hein. Oui. Je vais mettre la tête de Dieu, voilà, et puis on va essayer de... On va essayer de faire ça. Ok. Bon, ok. Alors là, trop fort. C'est ton texte, hein. Ouais, j'ai rajouté derrière, hein, à la fin des trop, j'ai mis « Est-ce le terme de ceux qui sont témoins de quelque chose de merveilleux, ou celui de ceux qui ne veulent pas bouger, pas voir, pas sentir, pas croire, et finalement pas vivre autre chose que le rationnel, on leur a appris ?» Attends, voilà. Où tu es là? Je t'ai perdu. À la fin du texte où il y a tous les trop. Alors, à la fin du texte où il y a tous les trop. C'est la partie interrogative, pied sur terre, c'est ça que tu dis? Non, c'est juste avant ton intervention. Avant mon intervention. Est-ce le terme de ceux qui sont témoins? Ouais, d'accord. Celui de ceux qui ne veulent pas bouger, pas voir, pas sentir, d'accord, et finalement pas vivre autre chose. D'accord. Ouais. C'est un truc qui est en construction. D'accord. Là, j'ai rajouté alors, sur merveilleux les textes là, sur le miracle, définition et synonyme et référence, ils sont juste après. Parce que c'est aussi ça qui interpelle dans le côté merveilleux. Toujours, mais il faudra l'expliquer. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour l'instant, c'est très brut. D'accord, ok. Tu m'as appris un mot que je ne connaissais pas, antiphoné. Oui. On voit que tu es expert en musique, hein, antiphoné, ça c'était quelque chose, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, maintenant j'ai bien compris et ça va bien ça, mais ça il faut aussi l'expliquer. Hein. Oui, mais en fait j'ai mis l'explication à ton intention et c'est vrai que sur un site... On n'aurait pas fait ça sur un site déjà référencé et déjà accessible à tout le monde. Mmh. Donc là, c'est un site de discussion entre nous. Mais bien sûr, c'est fait pour aussi. Là, d'accord. Mmh. Ok, bon, donc là, il y a encore des choses en gestation. Hein? Oui. D'accord. Ok, bon, est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, je pense qu'on a déjà bien avancé et ça fait du boulot. ouais, mine de rien, il y a de quoi s'occuper. Avant de se quitter, on va prendre rendez-vous, si tu veux bien. Combien de temps il te faut moi, j'en sais rien. Je sais que... jusqu'à la fin... Maintenant que je vais plus sur Auray, j'ai un peu de temps. Ouais. Il faut que je partage entre le jardin et puis ça. D'accord. Alors, calendrier, qu'est-ce qu'il y a prévu? On est en mars. Est-ce que le 25 mars... Oui, ça va très bien, le 25 mars. Dans une semaine, hein? Oui. 17h, ça te va? 17h, ça va. Allez, 17h. Je t'ai pas demandé des nouvelles de ta petite femme. Eh bien, elle est très bien. Elle est très contente de m'avoir à la maison. C'est vrai? Oui. Voilà. Donc, on se retrouve au jardin, et on se... Alors que certains tournent beaucoup en rond, on trouve de quoi se construire et ça c'est super chouette. Ouais, voilà. Bien sûr, ça c'est vachement bien. On est un peu plus, je dirais qu'on est un peu vernis, on l'a choisi, on n'est pas, on n'est pas propriétaire d'un truc, d'un deux pièces où finalement on se marche l'un sur l'autre, on est dans une location un peu plus grande et c'est vrai que ça permet de souffler. Et c'est vrai qu'on pense un peu à ceux qui sont enfermés dans des... Dans des studios ou dans des deux ou trois pièces, ça va être très dur quand même. Ouais, et puis, c'est compliqué. Tout dépend de l'état, quand tu es en couple, de l'état du couple. Ça va. Il y avait quelqu'un qui faisait une opération, une réflexion sur France Inter qui disait. Alors, moi qui trompais ma femme, comment je vais faire? Le gars, si tu veux, ça venait du fond du cœur, quoi. Et le gars, il n'avait pas réfléchi que toute cette situation-là pouvait l'amener à remettre en cause un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que je pense que ça va être très salutaire pour tout le monde, cette affaire-là. C'est une sacrée expérience, hein, en tout cas. Ça, c'est énorme, énorme. Mais je pense que c'est bien. Je pense que ça va remettre les choses en place. Je pense que ça va nous permettre de nous remettre en cause. Mais il y a un passage un peu douloureux là de quelques jours où les gens, bon, bah, il faut leur expliquer que rester chez soi, bah, c'est pas simple, c'est vrai. Je pense que le passage douloureux ne fait que commencer. Parce que ça, là, ça touche tout le monde. Mais après ça, lors du retour à la soi-disant normale, entre guillemets, ça va se payer très cher. Et là, je pense qu'on va avoir de belles surprises. Ah ouais? Okay. Tu penses à quoi, là? C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu es un coup d'après, là. Oh, bah, moi, je pense que de toute façon, ce n'est qu'une épreuve parmi d'autres. Mmh. Par ailleurs, les 300 milliards sortis ne sortent pas de n'importe quelle poche. Ah oui, non, mais ça c'est. Oui, tu sais d'où ils sortent? De quelle poche ils sortent? En tout cas, ce sont des engagements que font que fait le gouvernement. Mais tu sais de quelle poche ils sortent? C'est nous qui soutirons, enfin, c'est nous qui abondons là-dedans. Donc, à un moment, ça va nous faire dessus. C'est plus compliqué que ça. Parce que les 300 milliards, moi, c'est quelque chose. Parce qu'un coup, on t'en parle, après, c'est devenu 40. Bon, c'est pas très, très clair dans l'esprit de tout un chacun. Mais les 300 milliards, ils vont être sortis de la poche de la BCE. Et la BCE, et notre amie Lagarde, elle est en train de se poser des tas de questions. Parce qu'elle reçoit des appels d'air de toute l'Europe. Et il n'est pas sûr qu'elle soit capable de fournir. Et si la BCE venait à flancher, je ne te dis pas dans quel état de déliquescence serait notre secteur bancaire. Déjà qu'il est très très mal. Hein. Tu as vu le cas qu'il est à 3007, ça va poser d'énormes problèmes. Mais, et ce n'est qu'un début. Et j'ai un ami suisse qui devait venir me donner un coup de main justement sur le terrain pendant cette semaine-là, et qui m'a dit, bah, lui il est confiné en Suisse, et comme il s'occupe en fait de placement d'argent pour les uns et les autres, il me dit c'est une cata en ce moment parce que toutes les banques, toutes les places sont en train de s'effondrer, le Dow Jones a perdu 13 points, bon, et il me dit les clients sont complètement affolés, donc je suis obligé de rester. Et finalement, que ça. Autant. Alors, le problème là-dedans, c'est qu'il est à la fois celui qui place, mais il sait qu'il fait un travail qui est éthiquement fantastique. Quoi. Et c'est pour ça que le côté jardin merveilleux, entre autres à lui, en fait, lui parlait beaucoup. Il disait c'est un bol d'air parce que je me sens mal dans ce travail. Quoi. Bien sûr. Oui. Et voilà, eh bien ça participe, alors là on est dans un autre cas de figure, c'est l'effondrement du secteur industriel auquel on est en train d'assister, hein. Cet effondrement prévu par des tas de gens, et qui maintenant va s'accélérer où on va avoir des tas de problèmes de remise en cause sociaux, éthiques, sanitaires, etc. C'est pour ça, j'aime l'homme, je pense qu'il a des capacités formidables de donner ce coup de pied, tu connais Gilgamesh qui plonge au fond de l'eau là chercher sa fleur et puis il faut qu'il remonte et donne un sacré coup de pied pour refaire surface. Eh ben on est capable, je pense, de donner ce coup de pied, mais il va falloir qu'il y ait des bons pilotes au bon endroit, quoi. Mais moi j'ai une bonne confiance. Moi j'ai confiance, mais j'ai moins confiance en l'homme qu'en Dieu, qui que je sens à travers cette expérience de jardin merveilleux. Que je dis, mais oui, comme diraient certaines personnes, quand on est au fond de la piscine, au fond de l'eau, le gros avantage, c'est qu'il y a le fond et on peut taper dedans pour pouvoir remonter, on ne peut pas descendre plus bas. mais encore faut-il atteindre le fond sans être complètement noyé, quoi. Et c'est là que je pense qu'il y a, un côté merveilleux qui intervient. Eh bien, le merveilleux, il est au fond. C'est cette plante ou cette fleur que Gilgamesh va chercher. Et il est là, le merveilleux. Et il remonte avec. Il remonte avec pour dire aux humains, voilà, ça y est, je l'ai trouvé, ça existe. C'est à Saint-Goustan que ça se passe, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, mon ami, ben, un grand merci pour cette bonne discussion. On a bien avancé. Moi, comment va Michaela? Michaela, si tu veux, elle a ces dernières 72 heures, plutôt lundi, ça a été un peu la cata pour elle, parce que si tu la prives de sa liberté... sa liberté de sortir, sa liberté de rencontrer des gens, sa liberté de... Elle a besoin de grand espace. Et donc, Michaela, elle serait adapte, elle serait emploi, elle est en train de nous faire des gâteaux, et... Non, elle va bien. Et nous allons bien tous les deux. Quelle est la situation là-bas? Est-ce que c'est la même que celle que l'on a? On est beaucoup moins impacté que par chez vous. L'hôpital de Vannes, qui est l'hôpital de référence du Morbihan avec celui de Lorient, l'hôpital de Vannes s'est restructuré pour accueillir des gens infectés. On n'est pas encore, ils sont pas encore au bout du rouleau, mais les structures sanitaires ici sont quand même beaucoup plus courtes, que ce qu'on peut avoir dans de grands espaces comme celui de Strasbourg, de Mulhouse, etc. Mais quand on voit qu'à Strasbourg ou à Mulhouse, je ne sais plus, on envoie des avions pour ramener du monde, des gens malades à Toulon. Oui. Là, je pense que là, ça va être compliqué. Mais nous, pour l'instant, on est assez préservés. Pour l'instant, les gens, tu les rencontres se promenant à Saint-Goustan, de façon de plus en plus clairsemée chaque jour. Je pense que ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, sauf si le cordon sanitaire lâche. Ça, j'en sais rien. C'est extrêmement complexe de voir un petit peu... je sais pas, ça, c'est des choses qui me dépassent un petit peu. On a quand même une partie du corps médical qui est inquiète, très touchée, inquiète, et qui se pose des tas de questions, quoi. Qui se pose des tas de questions. Et ce n'est pas des questions qui se résoudront à coups de milliards, ça. Hein, parce que, ça va se résoudre avec un psychisme en bon état, avec des gens aux commandes qui tiennent la route, quoi. Et c'est ça que je souhaite pour notre pays, quoi. Des gens qui savent raison garder. Et non pas tous ces couillons là qui te racontent des conneries sur Internet matin, midi et soir. Voilà, que te dire de plus? On est mieux préservés que vous. Alors que les choses s'emmanchaient un peu plus mal quand on s'est quitté, si tu te souviens. Mais de toute façon, vous êtes soumis quand même à la même restriction, puisque c'est tout le territoire. Ouais. Ah, mais il n'y a aucun problème. Chaque jour, je vais me promener avec mon attestation. Et Michaela, elle m'a fait une attestation multiple. Elle m'a fait sur une même page, j'ai 21-29-7, j'ai 6 jours de promenade paramétrée, quoi, voilà. Faut que je le remplisse, mais voilà. Non, voilà, voilà. Et puis, il faut sortir, il faut s'aérer. Moi, je suis content de voir que tu vas dans ton jardin, que vous allez dans votre jardin, parce que oui. Je pense que c'est un très bon... Les mains dans la terre, c'est une très bonne approche pour s'évader et pour penser à autre chose et penser différemment. Moi, je pense que c'est ça qui va être notre salut. C'est de penser différemment, de quitter son égoïsme du monde capitalistique dans lequel on est, parce que là, pour le coup, le capitalisme, il peut s'effondrer un bon coup. Moi, ça ne me déplairait pas. Non. Ah oui, non, mais moi, ça ne me déplairait pas. Bon, j'ai un petit pécule, comme ci, comme ça, qui s'effondrera pareil, mais je pense que il faut qu'on change d'état, il faut qu'on change de... on a changé de siècle, mais on n'a pas changé d'état, quoi. On était toujours dans les mêmes bêtises. Donc là, maintenant, c'est l'occasion de réfléchir pour sortir. Et même, oui, c'est ça. Et puis, même dans les... moi, ce qui m'embêtait un peu, c'est de voir que dans les listes électorales actuellement, à part ceux qui... je crois qu'il y avait une liste anticapitaliste, mais avec des propositions derrière qui... était un peu légère. Vite d'essence, oui. Tous les autres, en fait, sont toujours dans le même système, quoi. Ne remettent pas en cause le système. Ils sont toujours dans le même système. Alors, moi qui ai, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais bon, j'ai voté Macron à l'époque parce qu'il me proposait une autre vision de la politique. Une autre vision. Bon, j'ai voté pour lui pour cette raison-là. Bon, on a vu où ça nous mène. Mais. Ouais, non, mais il faut dire que ça doit être diabolique et tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Oui, oui, oui. Tout est imbriqué, intriqué, les gens... Bon, et l'histoire de Hulot est caractéristique, justement. Par exemple. Il essaye de faire quelque chose et en fait, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que, et il l'a bien dit, parce que... les hommes, les politiques, hommes et femmes, qui sont en place, eh bien, ne lui permettaient pas de remettre en cause toutes ces alertes qu'il lançait, quoi, si tu veux. Ça pétait de partout, quoi. Et d'ailleurs, maintenant, ça pète. Voilà, voilà. Bon. Voilà. Eh ben, du coup, on va laisser péter tout ça. Moi, je suis d'avis que ça continue de... Sans aller jusqu'au drame de centaines de milliers de morts. Mais il faut continuer de laisser péter le bazar. Et puis, une fois que là, on sera... cet effondrement aura eu lieu, et c'est pour ça que je dis qu'il va falloir des gens de qualité au pouvoir pour reconstruire quelque chose dans lequel on puisse respirer, quelque chose où le fric n'est plus cette mainmise sur toutes nos activités, tous nos jobs, etc. Bon, voilà. Bon, moi, je pense qu'on peut sortir un monde meilleur. Mais d'ici là, c'est pas gagné. D'ici là, oui, il y aura un peu de souffrance. Quoi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut passer par là. Oui. Je pense qu'il faut passer par là. Et bon, alors je répéterai pas ça à la cantonade, hein, parce que tu te fais lyncher. Mais comme Gilgamesh, il faut être capable de redonner un coup de pied quand on sera au fond. Mm. Et pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait au fond. Oui. C'est surtout quand on continue d'espérer que ça va continuer, quoi. C'est ça qui va pas. De dire qu'il faut retourner, ce serait retourner à la normale. Et c'est un peu le terme que je n'aime pas dans révolution. Révolution, en fait, c'est on fait un tour et on revient au même endroit. On peut revenir au même endroit. Quoi. Ah non, t'as un changement d'état dans révolution. Oui, sauf que, en fait, le pouvoir a changé de main, mais la bêtise était toujours là. Les hommes n'ont pas changé. Les hommes n'ont pas changé. Alors tiens, je vais te raconter une histoire marrante. Je profite de cette situation là où mon petit-fils, que je vois très peu, parce qu'il est à Paris avec sa mère et son père, etc. Et je décidais, je lui ai proposé qu'on puisse se retrouver pour échanger, pour avoir une discussion comme on a. Voilà. Et alors, donc je l'appelais hier, et je lui dis, alors comment ça s'organise pour tes cours? Il est en seconde. Comment ça s'organise pour tes cours? Qu'est-ce que tu fais, etc. Voilà, bon, alors il me fait, voilà, j'ai des professeurs qui prennent les choses en main au point de vue numérique, d'autres, je n'ai pas encore de nouvelles, mais ça, je crains le pire pour certains. Et puis, alors j'ai fait, quels sont les professeurs avec qui tu as des cours en ce moment? Eh bien, avec mon professeur de français. Alors, qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a proposé de travailler? Ben, on travaille sur des poésies. Ah, alors sa mère m'avait dit qu'il travaillait sur Rimbaud, sur les romantiques, quoi, Anatole France et compagnie. Et là-dessus, j'ai fait, je pensais qu'il allait me dire, ouais, je travaille sur cela. Non, notre prof, il nous a donné un travail à faire sur une fable de La Fontaine qui s'appelle, alors le nom c'est les animaux qui combattent la peste, non, comment c'est l'histoire là? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Bon, alors, pas le titre, mais je me rappelle. Bon, alors, ça c'est formidable, parce que prendre, bon, il doit travailler la poésie, étudier la poésie, et mettre la peste au milieu en plein coronavirus, moi ça m'a interpellé. Et alors on a travaillé ensemble à faire une petite exégèse de ce poème, savoir qu'est-ce que La Fontaine a voulu dire. On a passé une petite heure là-dessus, voilà, on a passé un bon moment, et puis je vois que j'ai affaire à un petit gars qui va bien, qui a la tête sur les épaules, qui va bien, voilà. Voilà, la fable, c'est les animaux malades de la peste. Ah oui, j'ai vu que tu cherchais, les animaux malades de la peste. Voilà. Alors voilà, donc... C'est bon. Voilà, bon, ben écoute, je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps, mais cette petite discussion me va bien, moi, j'ai besoin aussi d'échanger avec mes congénères, voir ce qu'ils ont un peu dans la tête. Pour certains qui ont des choses dans la tête, toi, t'en fais partie, parce que toi, t'as même beaucoup de choses dans la tête, et il va falloir les expliciter. D'accord. D'accord. Il faudrait proposer aussi à Michaela qui a la possibilité de cette possibilité-là. Alors peut-être qu'elle est moins férue de ce genre de choses. Non, elle est assez étanche même à ça. c'est pas sa sensibilité. C'est pas une latine. Hein. C'est pas sa sensibilité. Elle n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer. Dans des réflexions philosophiques, métaphysiques, un peu spirituelles. La spiritualité, c'est pas sa sensibilité. Elle en a d'autres. Elle fait des choses formidables dans des tas de domaines. Mais elle est un peu étanche. Finalement, vous rencontrez plus beaucoup de gens autour de vous, puisqu'on n'a plus le droit, c'est ça, hein? Si, je rencontre tous les gens de mon immeuble. Je te dis, là, on causait sur les terrasses. Oui, non, des gens autour de nous, faut savoir qu'on habiterait maintenant depuis 2018, donc on est assez novice dans cette ville, et on ne connaît pas beaucoup d'Alréens, si tu veux. D'accord. On ne connaît pas beaucoup d'Alréens. On connaît un peu de Quiberonnais parce que on est arrivé à Quiberon en 2014. Pour les quitter en 2018. Bon, là, on a rencontré plus de... Voilà. Il y a les gens du groupe photo dont je m'occupe, là, ce petit groupe photo. Mais sinon, on ne connaît pas beaucoup de monde. Aux grandes dames de Michaela qui me serine à longueur d'année que nous n'avons pas assez d'amis. Voilà. Alors, voilà. Donc, moi, je me posais des questions sur d'autres... qui sont justement d'autres qui sont à la retraite et pour l'instant qui ne donnent pas beaucoup de nouvelles. Madame Fournereau, finalement, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est, elle, de son côté. Il y a quelques voisins là, de la rue Neuve aussi, qui sont aussi à la retraite. Ouais. Bon, j'ai pas de nouvelles. Téléphone-leur. Ouais. Tu sais, le breton, il n'est pas très causant. Oui. Il n'est pas très causant, il est un peu abrupt dans ses réflexions. Et voilà. Bon, c'est un voyageur, le breton. C'est un voyageur, mais bon, tu as du mal à le mettre autour d'une table. Oui. Voilà, à part les crêpes. Non, mais je rigole, mais pour moi, la nourriture, ça fait partie. La nourriture de l'esprit et la nourriture de la table, c'est un peu contingent, tout ça. Et en Bretagne, bah, on n'a pas une grande culture de ce côté-là. Mais je pense que si tu as des bonnes connaissances, appelle-les, ils seront contents. Oui. Et puis, tu laisses passer encore quelques jours, qu'ils soient bien confinés, là, qu'ils manquent un peu d'oxygène, et les appelant, bah, tu vas leur donner une bouffée d'air, quoi. Ça marche. Ça marche. Allez, salut, ciao. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein, d'accord? Ça marche. Et puis sur le site, hein. Oui. Ciao. Salut.